إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والاصطفاء والاجتباء، وكذلك اصطفى الله عز وجل تفرد بالخلق في الاختيار، وهو القائل عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن الله عز وجل قد اختار من عباده صفوتهم وخيرتهم وأفضلهم، فميزهم سبحانه وتعالى بخالص فضله وعظيم من منه وجزيل عطائه. قال الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنهم أيها المسلمون والمسلمات، إنهم الرسل الكرام، صفوة عباد الله، وخيرهم على الإطلاق، والله جل وعلا اختارهم لرسالته، واصطفاهم واجتباهم، وميزهم تبارك وتعالى على العالمين. قال عز وجل: وكلا فضلنا على العالمين. وقال سبحانه: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهؤلاء الصفوة هم خيار الخليقة وقدوة العالمين، جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بهم أصلا من أصول الإيمان، وركنا من أركان الدين. فلا قبول لطاعة ولا انتفاع بعبادة إلا بالإيمان بهذه الصفوة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a créé les créatures, et il est le seul subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir et la possibilité de choisir et d'élire parmi ses créatures lesquelles sont les meilleures. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah Azza wa Jal a donc choisi parmi ses serviteurs les meilleurs. Il a choisi l'élite de ses serviteurs. Il leur a accordé, subhanahu wa ta'ala, il leur a accordé un mérite particulier et une place immense auprès de lui, azza wa jal. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Ces élus, ceux qu'Allah azza wa jal a choisis, ce sont ces prophètes bénis, alayhim as-salatu was-salam, les meilleurs des créatures dans l'absolu. Allah Azza wa Jal les a choisis pour qu'ils transmettent son message. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis comme étant les meilleurs de ses créatures et a fait en sorte qu'ils se distinguent de l'ensemble des créatures. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses anges et les hommes ceux qu'il veut, parmi les meilleurs d'entre eux. Il dit subhanahu, sur le sens, Allah choisit des messagers parmi les anges et les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le mieux et celui qui sait le mieux où placer son message. Il dit subhanahu, Allah sait mieux où placer son message. Cette élite, ces personnes qui font l'objet d'une distinction particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont pris comme des exemples, ceux qui sont un guide pour l'ensemble de l'humanité, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire en eux est un des piliers de la foi, est un des piliers de la religion. Une obéissance à Allah Azza wa Jal ne peut être acceptée sans la foi en ses prophètes et envoyés Azza wa Jal, en ses prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu, selon le sens, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et dans le hadith de Jibril, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, la foi est de croire en Allah, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, bon soit-il ou mauvais. Ayyuha al-muslimun, inna ha'ulai safwa al-iman bihim أصل من أصول الإيمان يعني اعتقاد صدقهم وأنهم صادقون مصدوقون بررة راشدون هداة مهديون وأنهم من رب العالمين حقا مرسلون بعثهم الله بالرسالة وأيدهم بالحجة والبينة فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم تمام النصح فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروهم منه روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وهكذا كانوا عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم تمام النصح وأوفاه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que de croire aux prophètes envoyés d'Allah fait partie d'une base de la foi, fait partie d'un des piliers de la foi. De croire en eux, c'est-à-dire de croire en leur véracité, de croire qu'ils sont véridiques en eux-mêmes, et que tout ce qu'ils ont apporté comme message et information est vérité, de croire que ce sont les plus pieux et qu'ils sont bien guidés, de croire qu'ils sont envoyés véritablement par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a envoyés avec un message et Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus et a été et les a renforcés par des arguments inéluctables et par des preuves et des miracles indiscutables. Ils ont ainsi transmis le message d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons et de la façon la plus explicite. Et ils ont conseillé les peuples vers qui ils ont été envoyés. Ils n'ont pas laissé un bien sans avoir dirigé leur communauté vers celui-ci. Et ils n'ont pas laissé un mal sans avoir mis en garde leur communauté contre celui-ci. L'imam Muslim rapporte, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète qui m'a précédé sans que ce ne soit un devoir pour lui d'informer, de diriger sa communauté vers tout le bien qu'il connaît pour eux et de les mettre en garde contre tout le mal qu'il connaît pour eux. Ainsi ils ont été, alayhimus salatu wassalam, ils ont transmis le message et ont restitué le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié de la meilleure des façons. Ils ont ainsi conseillé leur peuple comme il se doit et de la façon la plus fidèle possible. وَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ أُمِرَ الْعِبَادُ بِالِاتِّسَاءِ بِهِمْ وَالِاهْتِدَاءِ بِهَدِيهِمْ وَتَرَسُّمِ خُطَاهُمْ كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا فكلمتهم في الدعوة إلى التوحيد واحدة من أولهم إلى آخرهم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال سبحانه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله والنذر الرسل واجتمعت كلمة هؤلاء الرسل على عقيدة واحدة وإيمان واحد وأصول متفقة من أولهم إلى آخرهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أي عقيدتهم من أولهم إلى آخرهم واحدة وأما الشرائع والأعمال والتكاليف فإنها قد تختلف من نبي إلى آخر كما قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, il a été ordonné aux croyants et aux musulmans de les prendre comme exemple, de les prendre comme guide et de suivre leurs traces. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Et la parole des prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, on rejoint tout un seul et même but, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Et ceci du premier des prophètes jusqu'au dernier. Il dit Azza wa Jal, et nous avons envoyé à chaque communauté un envoyé. Et cet envoyé leur disait, adorez Allah et délaissez le tarot. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et questionne ce que nous avons envoyé avant toi comme prophète, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Et il dit Azza wa Jal, selon le sens, et rappelle-toi le frère d'Ad, qui est Hud alayhi salam, quand il avertit son peuple à l'Ahqaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs, avant et après lui comme prophète et messager, des avertisseurs passent son passé en disant, n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela également, nous informe que les prophètes et envoyés d'Allah alayhi wasallam avaient un seul et même but et avaient un point commun qui les réunissait tous, à savoir à demander et ordonner d'adorer Allah Azza wa Jal et de délaisser toute forme de polythéisme. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes sont les frères, c'est-à-dire sont des frères qui ont un même père, mais des mères différentes. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Et ici, les savants ont expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes ont un seul et même père et qu'ils ont plusieurs mères, c'est-à-dire que leur religion est unique. Ce pourquoi Allah Azza wa Jalla les a envoyés, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, c'est-à-dire vouer ces adorations à Allah Azza wa Jalla exclusivement, qu'ils se réunissent tous et ils ont tous ce même point commun entre eux, alayhim salam, mais leurs mères sont différentes. C'est-à-dire, les législations et la façon par laquelle ils adoraient Allah Azza wa Jal étaient différentes d'un prophète à un autre. Et ceci conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit subhanahu, à chacun de vous, nous avons assigné une législation. À chacun des prophètes, Allah Azza wa Jal a assigné et a donné une législation particulière qu'il devait respecter et un plan à suivre. وَلَقَدْ قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرِ النَّبِيِّينَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم أيها المسلمون، إن حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام مدرسة للعباد في جميع الأبواب وفي جميع المجلات، وعقيدة وخلقا، وإنما ضاع أكثر الخلق وتورطوا في أنواع من التيه والضلال بسبب بعدهم عن هدي المرسلين. وأصبح كثير من الناس إذا أراد أن يقرأ في السير والأخبار والقصص لا يقرأ في سير هؤلاء الصفوة، وإنما يقرأ في سير قوم لا خلاق لهم، وهنا تتبدل القيم وتتحول الفطر وينحرف كثير من الناس والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى nous a cité dans son noble livre de nombreuses histoires de ces prophètes et envoyés عليهم السلام. Et il nous dit سبحانه وتعالى sur le sens, il y a certes dans leurs histoires des leçons pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ce n'est en aucun cas un récit fabriqué. Ces histoires des prophètes qu'Allah Azza wa Jal nous raconte, ce ne sont pas des mythologies, ce ne sont pas des histoires inventées qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé. Ce ne sont pas des récits fabriqués, mais c'est une confirmation de ceux qui sont venus avant lui, avant Yusuf alayhi salam, wa tafsila kulli shay, et c'est un exposé détaillé de toutes choses, une guidée et une miséricorde pour les peuples croyants. Ainsi, la vie, la biographie et l'histoire des prophètes alayhi salam, le fait de les apprendre et de les connaître, c'est un moyen de s'éduquer. C'est un moyen d'apprendre sa religion, d'apprendre sa croyance, d'apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre les comportements que se doit d'être doté le musulman et d'avoir des exemples concrets, des exemples vivants, des exemples et des pratiques qui ont été mises en œuvre par justement ces élites et ces meilleures créatures choisies par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'égarent. Beaucoup de gens sont insouciants et sont manquants vis-à-vis de cela. Beaucoup s'égarent. Et lorsque l'on voit que, et l'on constate que l'une des causes et des raisons de l'égarement de beaucoup de gens, malheureusement, est qu'ils ne lisent pas les histoires des prophètes. Ils ne lisent pas les histoires des vertueux parmi les musulmans. Et lorsqu'ils lisent des histoires ou des biographies, alors ils lisent les histoires et les biographies de ceux qui n'ont pas un bon comportement, voire de ceux qui ne sont même pas musulmans. Qu'est-ce que le musulman peut tirer de ce genre de personnage? Qu'est-ce que le musulman peut tirer des stars du football? Qu'est-ce que le musulman peut tirer des histoires et des biographies de tous ces acteurs et de toutes ces personnes aussi perverses les unes que les autres, qui animent malheureusement le milieu du showbiz? Qu'est-ce que le musulman peut tirer de bon de tous ces personnages, aussi ingrats soient-ils les uns les autres, aussi pervers soient-ils les uns les autres? Il ne peut tirer d'eux que la mécréance, wal'iyadu billah, que le fait de suivre ses passions et ses penchants, que le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal matin, midi et soir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله ختم الرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، برسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وكتابه القرآن خاتم الكتب. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبرسالته عليه الصلاة والسلام ختمت الرسالات كلها. جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الرسالات، فلا يقبل الله من بعد مبعثه عليه السلام دينا غير الدين الذي بعثه الله به وأنزله عليه. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé l'ensemble de ses messages par le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a clôturé les prophéties par la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre avec lequel est venu le prophète alayhi salatu wa sallam est le livre qui a la suprématie sur tous les livres divins qui l'ont précédé. Allah Azza wa Jal dit: Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Ainsi, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient clôturer et vient mettre un terme à tous les messages qui l'ont précédé. Ainsi, le message de l'islam vient abroger l'ensemble des messages divins précédents. Allah Azza wa Jal n'accepte, après l'envoyé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion hormis l'islam. Il dit, subhanah, selon le sens, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et il dit aussi, subhanah, et celui qui prend l'islam, et celui qui prend autre que l'islam comme religion, rien ne sera accepté de lui, et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Et il dit, subhanah, selon le sens, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et j'accepte pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, il n'y a pas un homme de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui meure sans avoir cru à ce avec quoi je suis venu ou ce pourquoi j'ai été envoyé. Celui qui ne croit pas au message que j'ai apporté fera partie des gens de l'enfer. أيها المسلمون لنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولنعمر قلوبنا بمحبته محبة مقدمة على النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين ولنعتني أيها المسلمون بقراءة سيرته ومطالعة هديه ولنجاهد أنفسنا ولنجاهد أنفسنا على حسن اتباع له والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Chers musulmans et musulmanes, que l'on soit reconnaissant envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui a fait en sorte que nous fassions partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés et le meilleur des prophètes alayhi salatu wa salam. Et nous devons remercier Allah azza wa jal d'avoir fait en sorte que l'amour que nous portons pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que l'amour que nous portons pour notre propre personne. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos enfants, plus que nos parents, plus que l'ensemble des gens. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, donner une importance particulière et une attention particulière à l'apprentissage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous devons de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la meilleure des biographies sur terre, et c'est le meilleur des êtres humains alayhi salatu wa sallam. Une biographie pleine de richesses, pleine de trésors. Afin, nous devons donc nous efforcer à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la suite à nous efforcer à le suivre convenablement, à suivre ses traces, à obéir à ses ordres et à délaisser ses interdits sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et nous sommes dans une époque où la science est diffusée, walillahi alhamd. La science est maintenant à la portée de tout le monde, à la portée de ceux qui connaissent l'arabe comme de ceux qui ne connaissent pas la langue arabe. Elle est même à la portée de ceux qui ne savent pas lire. Ceux qui ne savent pas lire ont maintenant la possibilité d'écouter différentes conférences, différents cours, différents prêches en toutes les langues présentes sur terre. Vous n'avez donc, chers musulmans et musulmanes, aucune excuse. Vous ou ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera votre excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement? Et que répondrez-vous à Munkarun wa Nakir, les anges qui viendront vous questionner dans la tombe en vous disant, et qui est ce prophète qui vous a été envoyé? Quelle sera votre réponse, chers musulmans et musulmanes? Allah azza wa jal dit, vous avez certes l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples, pour celui qui espère Allah et le jour dernier, et évoque Allah beaucoup. Et il dit aussi, subhanah, selon le sens, par ton Seigneur, ils n'auront véritablement la foi que lorsqu'ils te prendront comme juge dans les affaires et dans les discordes qu'il y a entre eux, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne en ce que tu auras jugé, et des personnes qui se soumettront totalement à ton jugement. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون بالأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا من الذين يقتدون بأنبيائك ورسلك عليهم الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعن المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.